14 ans les Gauloises, c'est pas que ça plaise, mais faut se pousser. 14 ans les Gauloises, ça met mal à l'aise et ça fait tousser. Avec à peine un peu plus de pèse, on achèterait des anglaises. Oui, mais voilà, on est fauché. 14 ans les Gauloises, au fond du tiroir, super camouflées. 14 ans les Gauloises, au fond du dortoir, chacun sa bouffée. Avec la première cigarette, c'est quelque chose qui s'arrête et s'envole avec la fumée. 14 ans les Gauloises, c'est pas que ça me plaise, mais faut se pousser. La grimace, mais faut pas penser. 14 ans les Gauloises, tu perds la face si tu fais passer. Avec la Gauloise à tour de rôle, on décolle et ça fait trop drôle. Le lit qui se met à tourner.